7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et il est l'heure de vous réveiller, bonjour et belle journée sous le soleil de Radio Conseil. Il est tout juste 7h, vous qui venez d'arriver du côté de Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers, Orléans, Fayolloges. Eh bien, on vous souhaite un très bon jeudi ensoleillé, normalement. Ça va se gâter un petit peu dans la soirée et pour ce week-end. Mais on est là pour vous donner le rayon sous le sol avec du son pour bien démarrer cette matinée. Et The Weeknd, le week-end qui arrive à très grand pas. Thank you. the end. This life is still worth living. This life is still worth living. Break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice your love for more than I. I try to put up a fight. Can't tie me down. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. We'll be right back. 7h10, le meilleur des souvenirs avec France Gall. Elle a plein de choses, en tout cas elle nous manque, c'est sûr, dans la chanson française. Belle journée et bon réveil. Et aujourd'hui c'est le jubilé de la reine, 70 ans de règne. Et d'ailleurs la France va lui offrir, Emmanuel Macron va lui offrir un cheval de la garde républicaine. Eh ouais, âgée de 7 ans, la reine qui est fan de chevaux justement, elle aura son petit cadeau de la semaine prochaine, voilà. Un beau cadeau d'Emmanuel Macron. Voici Matt Houston et Positif. Papa t'a dit de ne pas plier. Non, faut pas plier. Oh non, non, faut pas plier. Je sais, faut pas oublier. Oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes. Pour défouler, il faut danser. Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. C'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu venir le tester? Oublie tes problèmes et viens off me follow. Ouais, c'est si easy, yeah. Même si t'as pas beaucoup de money, yeah. T'as besoin de l'amour qui vit. Laisse le compte en salarié, yeah. Pour pouvoir exister. Et quant à toi ma jolie, yeah. Les femmes sont fortes aujourd'hui, ah. Si tu tombes, tu te relèves again, yeah. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier, yeah. Oh, oh, oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy, yeah. Oh, oh, oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Positif et c'est super important. Bah, pas que le Covid bien sûr. 7h13, un téléphone il arrive, monsieur Faria. Et on l'accueille tout de suite en direct et j'adore. J'adore ce mec. Je sais pas pourquoi j'aime bien, il est marrant. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bon dia, monsieur Faria. Bon dia. Comment, tout de bien ce matin? Ça va, ça va. Ça va, ça y est, tu reprends le boulot toi après un mois. Oui, ouais. Ça va, c'est pas trop dur? Bon, ça a été un peu, mais ça se remet petit à petit. Ah ouais, c'est comme le vélo, ça se perd pas le boulot, hein. Bah oui, hein. Bon, tu commences à quelle heure, là? T'es déjà dans la cabine? Je suis en formation, tu vois, je commence à 9h. Ah, bah ça va, tranquille, 7h15, hein. Les enfants à l'école peut-être avant, non? Bah là. Et voilà. Bon, bah ok mon ami, bah passe une belle journée alors. Merci, toi aussi. Hein. Plein de bisous. Bisous, ciao. Ciao, monsieur Faria. Il est sympa, monsieur Faria, je l'adore. Ouais, un bon mec, ouais. Comme lui, vous voulez nous appeler. 02 38 43 48 0 0. Perfect avec Beyoncé. For me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. I'm dancing.

latiendo, que por no morir lo intenta, olvidando la razón, olvidando la razón. Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta, y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más. On adore sur la radio artificielle. 7h09, c'est Francky dans la radio. Masse, encore, encore, toujours et encore. Une dédicace, c'est Laurent qui nous aime ce matin, qui écoute la radio. Pour toute l'équipe du 7, ses potes qui vont là-haut d'ailleurs, ses enfants et la chérie que j'adore. Ma chérie, bien sûr, et je t'oublie pas. Plein de bisous, Laurent, qui nous écoute au taf ce matin. Contactez le 02 38 43 48 00. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. tô cansado dessa sua brincadeira. Só perdoei de antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já disse que não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei de antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já disse Décidé, la version remixée par DJ Lux de Portugal. Et on adore sur Radio Conciel. Bon réveil, 7h29, on est en live et ça me fait plaisir, c'est Francky dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et ils seront avec nous au téléphone demain à 8h30 depuis Bordeaux, le collectif Métissé. Le nouvel album arrive demain dans les bacs, Fiesta Latina. Nouvel extrait, le tout nouveau collectif Métissé, c'est en exclusivité Arriba Kululo. 7h29 sur Radio Conciel, ils seront avec nous au téléphone depuis Bordeaux demain, 8h30. Voici le tout nouveau collectif, et c'est déjà sur Radio Conciel. Qui approche hein, dans les soirées discothèques, dans les campings, dans les soirées de folie, dans les anniversaires. Ils seront avec nous au téléphone demain, le collectif Métissé. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Oui, on vous réveille tous les matins avec l'album le plus vendu sur la planète Terre, Michael Jackson, Oh My God, The Spiders. Le clip, il durait un quart d'heure, quoi, à l'époque, hein, énorme. l'album le plus vendu sur la planète Terre après les Rolling Stones, Michael Jackson en 80, avec Thriller à l'intérieur pour trouver le fameux Billie Jean. Ah ouais, on adore le Billie Jean. Belle journée, bon réveil. 7h37, c'est Frankie dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Frankie. Eh ouais, Frankie, on vous réveille tous les matins. Et puis être la plus célèbre femme du monde, ça n'a pas que du bon. Eh oui, la Joconde, le tableau de la Joconde, malgré la grosse sécurité, la vitre blindée qui est devant, a été entartrée. C'était ce week-end, c'est pas bien. Elle a subi tous les outrages depuis un siècle. Mais bon, ça va, elle est toujours en pleine forme. Danemark qui arrive pour le meilleur de la musique. Et puis du son Caliente avec Yann, ce que vous adorez. Ben oui, Yann's Click Click Pampon, on écoutera son nouveau single tout à l'heure. Il s'appelle Y'a du soleil, y'a des nanas. 7h37, coucou à Lolo qui est connecté du côté de la chapelle Saint-Maman, qui nous souhaite une belle journée mon Lolo. Et bon réveil avec Yann's, celui qui cartonne en ce moment. Bah ouais, il a la cote, voici Click Click Pampon. Bonne journée, bon petit déj et courage pour le taf si vous y allez aujourd'hui. Eh, le soleil est au rendez-vous, ça c'est la bonne nouvelle. Ah, ça va se dégrader pour le week-end, mais bon, on est là. Ta radio soleil dès 7h avec Francky. Universal language that's understood. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. Le meilleur des années 2000 avec Lady Easy Love, ça nous rappelle des bons moments, ça en boîte, ah ouais j'adore, notamment Boombox à l'époque, ah oui on était bien, 7h44, il sera notre invité demain, Samir Baz, la source en force, eh oui, il gère un peu les quartiers là où il s'occupe de plein de choses, il va nous dire tout ça en direct, Samir Baz, heureux de l'accueillir demain matin à 8h20 en direct. Le meilleur des souvenirs, 28 degrés à l'ombre, c'est presque la température d'aujourd'hui, hein, 23 aujourd'hui. Du soleil, des nuages, mais El Rios del Sol, il est là, avec ce remix de Jean-François Maurice. Le soleil est si haut. sur 9h, c'est Francky dans la radio, 7h48, Renata, bon réveil, bon petit-déj. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est nuageux, mais le soleil fera son apparition dans la matinée. Ça devrait s'assombrir en fin d'après-midi, début de soirée. Ce week-end, ça va être orageux. Les températures aujourd'hui jusqu'à 26 degrés sur Olivet, Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais, Fayolloges ou encore Main-sur-Loire. Voilà des bonnes nouvelles. Trompetta, il arrive, c'est le DJ Willy William, la famille. Si vienes a bailar yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá mami. Vamos a bailar, 7h51 minutes. Et la radio qui fête ses 101 ans. Ouais, déjà 101 ans de radio. Bonne fête à tous les animateurs, tous ceux qui bossent dans toutes les radios, les bénévoles, les pros. Et bien, on vous souhaite une belle journée avec Nicky Jam. Nicky, Nicky, Yam, 7h54, c'est Francky. Et jusqu'à 9h, on est là. Et puis le meilleur son latina. On vient vous emmener au bureau ce matin sur le chantier avec Pisso 21. Dime si un día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti. También sabes que yo soy tu hombre porque no te hace sentir. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesura hasta que no pueda más. Pero y de tu casa yo te voy a sacar. Si tu madre te pregunta, dile que te voy a robar. Pídeme el cielo y te lo doy. A la misma luna por ti yo voy. Todo lo que quieras, aquí estoy. Escucha ese remix. Cuando el tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas, soy el que te llamó y el que te lo da hoy. Estoy loco por sacarte de esta soledad, tirarte de estos besos que ya no te dan. Llama cuando quieras que aquí voy a estar. Y si te hice un daño lo voy a arreglar. Y yo sé que estás para mí y yo soy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. Supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas. Tú me Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. De chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment mourir à ce désir? sera à mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si tu savais toutes mes envies, que plus jamais. Alex Le Bay, et on l'adore, il sera à Orléans la semaine prochaine. On aura des invités à vous faire gagner, bah ouais, pourquoi pas, le meilleur de la musique, le son des 80, histoire de bien vous réveiller, vous qui êtes sur la tangentielle ce matin. Voici Jean-Luc. Dimitri, tu vas bosser ce matin à Fleury-les-Aubrais. Salut mon poteau. Belle journée, à bientôt. Bah oui, on va se revoir. Bah oui, quand même. Du son qui arrive, Tiad, vous l'avez vu en concert. C'était à Changi il n'y a pas très longtemps. Et n'oubliez pas, Alex Levaille qui arrive aussi prochainement. Voici le son de Tiad à la reprise de Céline Dion. Et c'est parler à mon père. Oui, je suis ton père. Bonne journée. Le temps pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course. Et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place. Et garder l'or de mon passé. Au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan. Croiser le vol d'un goéland. Penser à tout ce que j'ai vu. Ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune. Je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout,

décoder jusqu'à 6h du mat. J'entends les pimpons, les pompiers. Ils sont fatigués, on n'est pas fatigués. Y'a du soleil et des c'est bien et c'est Francky. Le meilleur des souvenirs, histoire de vous emmener un peu le soleil ce matin, qui va pas tarder à arriver, eh oui, promis. Puis sur 21, ça arrive et on adore. Que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos el tiempo pasa volando y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, aquí, aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, aquí, aquí, baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Nos dimos par de pico y no han pasado.

déconne. Tu sais, l'amour, c'est ta Vérone qui le ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Eh, c'est vrai que c'est reposant ça, si vous êtes en voiture là. Cette version acoustique, Jean-Pierre Savelli, son nouvel album s'appelle Romantique. Besoin de rien, envie de toi. 8h39, ils seront avec nous depuis Bordeaux demain en direct. L'interview du collectif Métissé, le nouvel album qui arrive demain justement dans les bacs, Fiesta Latina, donc à ne pas rater. Collectif Métissé, demain 8h30, voici le nouvel extrait, Arriba Kudulo, le collectif Métissé, c'est une exclure à l'air français. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Show.

Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Avec Don Omer, Dalé, Don, Dalé. Belle journée, bon courage à vous si vous allez au taf aujourd'hui, on est là. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh oui, puis juste avant de laisser la place à Algemiro, rendez-vous demain matin, nos invités demain au téléphone depuis Bordeaux, 8h30. On se rend direct avec le collectif Métissé. Eh ouais, le nouvel album qui arrive demain dans les bacs. Et puis, ils vont nous parler de ce nouvel album, du nouveau titre aussi, Arriba Kudolo. Demain, ratez pas l'interview exclusive, 8h30 depuis Bordeaux, le collectif Métissé. Et puis, un invité physique qui sera là, 45 LS, la source en force, Samir Baz. Eh ouais, éducateur, il en fait beaucoup pour les quartiers de la source. Il va nous parler de tout ça demain aussi. Ça me fait plaisir de le recevoir, mon petit Samir. Demain, ne ratez pas l'interview de Samir Baz. Ça sera aux alentours de 8h15, 8h20. Voilà, belle journée. Et puis l'avant de l'arrivée de Jimiro, Al Jimiro, si, signore, le son de Bruno Mars avec 24 Magic in the Air. Belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Et ouais, on est là, on vous accompagne jusqu'à 9h. Al Jimiro, c'est dans 4 minutes. Y'all trying to do keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky finger to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I give, get it in. First, take your sister. Do your dip. Dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky finger to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. 24 Magic, c'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h, eh ouais. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Il bouge pas, il est droit comme un i. Calgemiro, bon dia. Bon dia, Francky, comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va, bah ça va, tu vois. Il est prêt? C'est prêt, c'est prêt, tu t'es, voilà. Tu t'es calé là? Tu t'es calé, c'est jusqu'à midi. Jusqu'à midi, Algemero, vous retrouvez tous les jeudis à partir de 9h, dans voilà, 4 avec, minutes. Avec quelques chansons anciennes. Et les nouveautés les aussi. Les nouveautés aussi. Il y a le tout. Un peu de tout. Voilà. Comme les gens, ils aiment, quoi, comme ils sont habitués à, ouais, à écouter ces musiques comme ça, surtout des chansons à test, surtout. Ah ouais. C'est bien. Des chanteurs un peu bien connus. Il y a des chansons d'amour? Ah, bah, il y a un peu de tout. Ah, moi, j'en ai passé une tout à l'heure, une reprise de Besoin de rien, envie de toi. Ah oui. Là, tu m'as dit, on s'endort, mais c'est. Ouais. C'est vrai qu'il chantait un peu en ralenti, mais bon. Ouais, mais c'était fait exprès, c'était ouais, avec ouais, le son guitare. Voilà, oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est ouais, lui qui avait fait la version originale dans les années 80, là, avec Sloan, Besoin ouais, de ouais. rien, envie de ouais, toi. Ouais. Ah oui, oui, ça, c'était un grand succès, ça. On était jeunes à l'époque, on avait des cheveux, on avait des dents. Ah on avait oui, tout, oui, on avait tout encore. Ah, on avait des gonzesses. Ouais, ouais. Oui, ben, bon. C'est fini tout ça. C'est avant. Fini. Ah, voilà. Bah, c'est chacun sa génération. Ah, ouais, une belle génération, en tous les cas, qui s'éteint malheureusement. Ah voilà. Oui, c'est vrai que c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, bah, on va te retrouver dans 3 minutes. Oui, voilà. Dans 3-4 minutes, on est là pour démarrer ce. Eh ben, c'est parti. Jusqu'à midi. À 9h. C'est quoi le nom de l'émission? Il y a un nom de l'émission? Oui, c'est les voix du Portugal, quoi. Ah, les belles voix du Portugal. Les belles voix du Portugal! Voilà. Eh ben, bon dia le Portugal! Bon dia Portugal. Allez, à tout de suite, Algemero. À tout de suite.